j'aurais voulu avoir un destin peu commun. Évidemment, je serais connu, mais on pourrait me serrer la main. Je discuterais avec Badinter de tout, de rien et de la loi. On ferait des projets pour la terre, Miu Miu serait amoureuse de moi. J'aurais voulu être Yves Montand, danser, chanter en Amérique, avoir le rythme dans le sang et bousculer le politique. Je serais un merveilleux amant et je pourrais dire n'importe quoi. J'aurais voulu être Yves Montand et s'ignorer tout à la fois. Pour le pape, j'ai jamais voulu ça, même si ça paraît étonnant. Ça m'a jamais tenté, voilà, sans doute la faute de mes parents. Mitterrand, c'est plus compliqué, ça ne s'avoue pas, mais c'est comme ça. Être le président des Français, ça m'aurait plu, je le nie pas. Un prix Nobel est de quelque chose, n'importe quoi ou de la paix. Un spécialiste de la coupe rose, payé très cher sur le marché. Carole Bouquet me parlerait de ses amants, de son avenir. Catherine Deneuve partagerait avec moi de grands souvenirs. Je voudrais avoir connu la guerre, avoir été des grands résistants. Avec De Gaulle, on aurait pu faire de grandes choses tout simplement. Invité chez José et Arthur, j'aurais raconté mes exploits. Passionné par mes aventures, il aurait aimé qu'on se revoie. Discuterait avec Badinter de tout, de rien et de la loi. On ferait des projets en l'air. Miu Miu serait amoureuse de moi.